franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. C'est où Saint-Dizier, Philippe ? Eh bien, c'est une commune française située dans le département de la Haute-Marne et la région Champagne-Ardenne. Et sais-tu comment on appelle les habitants de Saint-Dizier, Margaret ? Ah, ça, je donne ma langue au chat, Philippe. Eh bien, on les appelle les Bragards. Ah, tu vois ? Eh oui, oui, selon la tradition populaire, ce nom proviendrait de François Ier, qui se serait exclamé « Ah, oh, les Bravgards !» en apprenant la résistance des habitants en 1544 lors du siège de Charles Quint. Et vous, Arnaud, alors comment vous appelle-t-on ? Arnaud. Ah oui, bonjour Arnaud. Bonjour Philippe, bonjour Marga. Rête. Bonjour Arnaud, vous êtes un brave gars aussi? Oui, bah, j'espère. En tout cas, un brave gars qui a une bronchite, une grosse bronchite depuis 3 semaines et qui n'arrive pas à s'en débarrasser. D'accord, il se soigne? Bah, il fait ce qu'il peut, il fait tout bien comme on lui a dit, le médecin, l'ORL, mais ça part pas. Il est toujours malade et il est bien embêté. Ouais, bah, c'est une bronchite virale. On lui a donné quoi comme traitement, sans citer de marque? Là, il prend du paracétamol, un colutoire et un sirop expectorant. D'accord, donc type Doliprane et Ludryl Pectosan. Mais ça va pas mieux. D'accord. Pourquoi il prend pas des antibiotiques? Ah ben non, je peux pas, je vais pas prendre des antibiotiques alors que c'est viral. Non, mais pas vous, lui. Qui, lui? Ben le malade. Mais, oui, mais c'est moi qui suis malade. Ouh là là, non, alors attention Arnaud, hein, ce n'est pas vous qui êtes malade, lui c'est lui et vous c'est vous. Non, non, c'est moi qui est malade. Qui suis malade. Bah alors pourquoi vous dites il? Mais c'est une façon de parler. Bah oui, mais alors du coup on perd un temps fou. Alors dites-lui de nous appeler. Mais qui? Bon, écoutez, dites à votre ami de prendre des antibiotiques. Voilà, les antibiotiques, c'est pas automatique, mais là, en cas d'infection virale, faut pas hésiter, antibiotiques, antibiotiques, antibiotiques. Et puis alors si ça marche pas, on lâche rien, on change d'antibiotique et on s'accroche. Mais non, mais c'est pas bon ça, il faut pas faire ça. D'accord, et pourquoi non, docteur Bravgard? Ça sert à rien sur un virus, et en plus, ça rend les antibiotiques moins efficaces. Première nouvelle, merci professeur. Alors Arnaud, est-ce que c'est parce que vous avez honte que vous prétendez appeler pour un ami? Mais non, je vous ai dit que j'appelais pour moi. Ouais. Donc les antibiotiques seraient moins efficaces alors, si je suis votre raisonnement? Ben, j'ai lu que des gènes de résistance en fait, se sont développés et les bactéries ne répondent plus aux traitements antibiotiques. Et est-ce que c'est parce que votre ami a honte que vous prétendez appeler pour lui? Mais je vous ai dit que j'appelle pour moi. Ouais. Bon, écoutez, je ne vais pas entrer dans des détails trop scientifiques pour vous ou nos auditeurs. S'ils avaient fait des études supérieures, occuperaient une fonction bien trop prenante pour avoir le temps d'écouter la radio à midi 20. Mais ce que je pourrais vous dire, pour la faire courte, c'est que ce que vous dites, c'est même pas vrai. La preuve, c'est que dans le temps, quand on prenait des antibiotiques sans se poser de questions, dès qu'on était malade, eh ben, on était guéri. Ah oui, mais alors là, c'est sûr, il y avait beaucoup de choses hein, qui étaient mieux avant. Alors évidemment, Arnaud, je vous entends d'ici, oh là là, encore ce discours passéiste, il y en a marre de la nostalgie de cette vieille connasse de merde. Non mais dites donc. Non mais oh, monsieur. Non mais laisse, Philippe. Je ne suis pas d'accord, Arnaud. Les insultes, ça ne mène à rien et je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais j'ai rien dit. D'accord, d'accord, vous n'avez rien dit. Mais non, c'est vous qui avez dit. Oui, que... d'accord, d'accord, c'est moi qui, si vous voulez. Allez, voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que l'effet placebo, qui contribue grandement à l'efficacité d'un médicament, s'est envolé en même temps que la candeur de notre nation. Oh là là, attention, Margaret. On n'a plus le droit d'employer le mot nation. Ah ouais. Tu sais, on va te traiter de nationaliste. Attention. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'à force de dire les antibiotiques, c'est pas automatique, eh ben, on s'est mis à douter du fait que ces médicaments étaient efficaces automatiquement, et du coup, fini les bénéfices de l'effet placebo. Enfin, l'antibiotique, c'est un principe actif, vous pouvez pas le réduire à son effet placebo. Arnaud, les Français ont perdu quelque chose de leur innocence, ça c'est indéniable. Alors, eh ben non, ça me fait pas peur, la nostalgie, j'ai pas peur des petits coups de règle sur les doigts, du petit soufflet, sans faire mal, hein, bien sûr, mais juste humiliant. J'ai pas peur de dire... Oui, j'aimerais bien revenir au franc français de mon enfance, parce que un franc, ça valait un franc. C'était clair, c'était franc. Alors que un euro, eh ben, c'est 6 francs 55 et des poussières, c'est même pas un compte-rond. On est perdu, on doit toujours faire la conversion. Non, maintenant on se dit juste qu'un euro, ça vaut un euro, point. Ah bon ? Alors comment vous faites pour savoir combien ça coûte vraiment ce que vous achetez, si vous ne faites pas la conversion ? Ah. Écoutez, ça fait plus de 10 ans maintenant. Oui, bah figurez-vous que la petite grand-mère de Philippe, quand elle fait ses petites courses avec son petit porte-monnaie, eh bah, elle a du mal à s'y retrouver au moment de payer ses petites chocolatines. Hein. Oui, bah, à ce moment-là, on n'a qu'à revenir aux anciens francs pendant qu'on y est. Et pourquoi pas, cher monsieur ? Hein ? Quelle honte y aurait-il à revenir à l'ancien franc ? Ça ne ferait pas de nous des xénophobes, mais des gens simplement qui n'auraient plus honte de leur pays, voilà, qui n'auraient plus honte de dire que oui, il y a des Français qui souffrent dans leur propre pays, des Français qui veulent du changement, et le changement, c'est peut-être revenir en arrière, parce que ça ne veut pas forcément dire régresser, monsieur, c'est voir l'avenir comme on le voyait avant, parce qu'avant, l'avenir, c'était mieux. Ah non, l'avenir, on l'imagine uniquement en fonction de son présent, et ça ne sert à rien de dire avant, c'était mieux. Bon, alors écoutez, monsieur, que vous parliez à la place d'un autre, soit. Que vous m'insultiez, passe encore. Mais que vous parliez à la place des Français en les insultant, ça non, monsieur. Écoutez, je donne juste mon avis. Moi, j'ai appelé pour une bronchite et j'ai l'impression qu'on est le 1er mai, place de l'Opéra. Oui, et ? Eh ben voilà. Bon. Ben, écoutez, au revoir alors, monsieur. C'est bizarre. Pourquoi il nous a parlé du meeting ? Je vois pas le rapport. Non, mais ça, tu sais bien que quand les gens n'ont pas d'arguments, ils dévient le propos. Oui, ça s'appelle la paralogologie. J'y ai consacré d'ailleurs un chapitre dans mon livre « Encore, encore, des mots qui soignent ». Aux éditions Amis dans France. Dans la vie, il faut être franc et par les temps qui courent, un franc, c'est un franc. C'est le Smaïn. Tu en. Oui, comme quoi. Voilà. Merci Yann Chouquet pour cette mise en onde. Oui, merci. Merci à vous tous et à vous toutes. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr. Dans un instant, Philippe Bertrand, carnet de campagne.